Salut à tous et bienvenue à l'épisode 3 d'Épistémia. Dans cet épisode, Anne-Marie Harel-Dubeau, biologiste de formation, qui était notre invitée à la toute première émission, revient pour nous expliquer ce qu'est une cellule. Petit avertissement, c'est un épisode chargé d'informations, parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi qui pensais que c'était une question assez simple, disons que vers la fin de l'émission, j'ai réalisé qu'on pouvait en parler encore beaucoup plus longtemps. C'est probablement un champ d'intérêt qu'on va revisiter à l'avenir. Pour l'instant, on a un bon survol du sujet. Ça commence à l'instant. Salut Anne-Marie. Allô Gabriel. Fait qu'aujourd'hui, tu nous parles de cellules, c'est ça? Oui, je suis une biologiste cellulaire. Fait que c'est pas mal ma spécialité. Tu as étudié ça pendant plusieurs années, là. Ouais. Fait que c'est quoi une cellule? Une cellule, c'est comme l'unité de base de tout ce qui est vivant. Fait que c'est vraiment la chose qui travaille et qui vit. Donc, une cellule, ça peut être un organisme vivant tout seul, ou éventuellement, avec l'évolution, les cellules se sont agrégées ensemble, regroupées ensemble pour se séparer les tâches, et sont apparus les organismes unicellulaires, comme les humains, les animaux, etc. Où chaque cellule, ils ont chacun comme des fonctions de base, comme le métabolisme de l'énergie, par exemple. Mais chaque cellule contribue quelque chose de spécifique à l'organisme, ce qui fait qu'on est, on n'est pas un seul gros blob de jello tout uniforme, mais on a différentes parties. Donc, pas plus philosophiquement, là, mais un peu, là, ce qu'on dit qui est comme le but des cellules, on dirait, c'est de propager le matériel génétique parce que chaque cellule, tout ce qu'elle va se concentrer à faire, c'est dupliquer son matériel génétique puis se créer une deuxième cellule, donc se reproduire. Donc le but d'une cellule, c'est de faire plus de cellules. C'est tout ce que ça fait. Mais je dirais pas tout ce que ça fait, mais c'est pas tout. C'est tout ce que ça veut faire. Mais à l'origine, ouais, c'est ça. Puis les organismes, même si la cellule, ben là, elle s'est regroupée, puis ils ont pris des tâches, ils se sont séparés des tâches, puis ont chacun des tâches spécifiques, ben l'organisme aussi, au final, qui est composé de cellules, ben son but à lui, c'est de se reproduire. Et tous les organismes fonctionnent comme ça. Donc le but, c'est toujours d'avoir que le matériel génétique continue à vivre, puis qu'il se sépare le plus possible. C'est comme ça le but de la survie. Est-ce que tu sais comment et pourquoi les cellules ont commencé à se différencier? Comment et pourquoi? C'est une bonne question. Ben, c'est dur pour une cellule de tout faire, de vraiment, vraiment tout, de s'occuper de tout, peut-être. Donc, il y a plein d'organismes unicellulaires qui peuvent vivre, mais c'est beaucoup plus efficace si tu concentres une cellule pour faire, justement, engranger l'énergie, une cellule pour métaboliser l'énergie, pour la transformer en sucre. Une cellule, ben là, quand tu deviens un organisme un peu plus grand, tu vas avoir une cellule qui va détecter l'environnement pour la perception, etc. Et la réaction, une cellule pour le mouvement aussi, pour pouvoir justement c'est bien se reproduire, mais si l'environnement n'est pas favorable, on pourrait se déplacer vers un environnement plus favorable. Donc, ça serait une caractéristique qui permettrait de survivre plus longtemps aussi. Donc, plein de... Oui, juste se séparer les tâches, je pense que pour être plus efficace. Parce que les organismes unicellulaires, il faut qu'ils fassent tout. Ils font la reproduction, ils font le métabolisme de l'énergie, ils font le mouvement, la perception de l'environnement, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup de tâches à faire pour une seule petite cellule. Donc ça utilise beaucoup d'énergie pour faire tout ça. Oui, mais ça prend beaucoup de fonctions aussi, ça prend beaucoup de... Fait que ces cellules-là sont plus complexes. Pas nécessairement, non. Parce que, mettons, un neurone, c'est vraiment super complexe. Ok, ouais. Ça vit pas tout seul. Fait que, ils ont juste plus de... Je verrais un peu ça comme des modules, mettons. Tu vas avoir un module pour le déplacement, puis ça va être un flagelle, par exemple. Fait que la cellule va pouvoir se promener. Tu vas avoir un module, plus de modules pour faire de l'énergie, etc. Fait que, ouais, ça serait plus complexe. Mais toutes les cellules ont quand même... Toutes les cellules ont quelque chose pour produire leur propre énergie localement. Pas toujours des petites réserves, par exemple. Ça dépend bien gros des... Ça dépend bien gros des types de cellules. Mais justement, la vie a évolué qu'on a maintenant deux types de cellules. Donc, on a les bactéries, qui sont des cellules prokaryotes, puis tout le reste, qui sont des cellules eucaryotes. Okay. Juste une petite question avant qu'on continue là-dedans. Il y a combien de types de cellules? Ben, en fait, il y en a deux. Il y en a juste deux, OK. Ouais. Les prokaryotes puis les eucaryotes. Mais là, après ça, tu peux tout subdiviser ça en plein de choses. Donc, il n'y a pas vraiment de nombre défini, là, mais... On n'a pas comme une place où on a toutes les cellules, toutes les subdivisions de cellulaires qui existent. Mais c'est plus l'arbre de la vie, là. Okay. Vraiment, les domaines. Donc, c'est ça. En fait, le vivant se sépare en trois domaines. On a les cellules eucaryotes, les bactéries et les archéobactéries. Des bactéries un peu plus préhistoriques, donc qui vivent dans des conditions un peu plus bizarres. Mais là, dans les eucaryotes, là, t'as les algues, les plantes, les algues, ce ne sont pas des plantes, les champignons et moisissures, qui, eux, sont dans le même groupe. Ensuite, on a les animaux. Algues, plantes... Y'a-t-il d'autres choses? Je pense que c'est pas mal ça. Ouais. Et de toute façon, on pourrait faire comme un autre... Je suis sûre si les organismes unicellulaires sont où là-dedans. Là. On pourrait faire un autre podcast là-dessus. Ah, ouais. On va parler de cellules comme telles. Ça, c'est bien, bien complexe. Ouais, l'arbre de la vie, j'ai regardé à un moment donné toutes les... Comment on... Il y a un mot pour ça? Comment on classifie? Ouais, la classification. C'est quoi le mot pour la classification déjà? Oh mon Dieu. Ouais, hein? Ouais. Ah, c'est... La taxonomie? Oui, c'est ça. Yeah. La taxonomie. All right. Merci. Merci, Google. Pas fait d'études en sciences, moi, mais je suis... J'en ai pas fait beaucoup de la taxonomie, parce que je suis une biologiste cellulaire, là, donc je suis vraiment concentrée plus là-dessus, plus sur le niveau moléculaire et tout, là. Mais oui, c'est ça, la taxonomie. Puis la taxonomie, comme, c'est toujours... on pense que la vie puis la science, tout a été découvert, puis tout est coulé dans le béton. Il y a les prokaryotes, puis les eucaryotes, puis c'est tout comme ça, mais c'est pas vrai, ça change encore, puis c'est encore... c'est encore débattu. Par exemple, les virus, est-ce que c'est vivant ou pas? C'est encore sous débat, mais je pense que ça penche plus vers ce n'est pas vivant. Ah ouais? Mais ça dépend quel livre tu lis. Fait qu'il faut pas penser que tout a été découvert, tout est classifié bien dans les petites boîtes, tout fit dans les petites boîtes. C'est pas stable, c'est pas figé. On découvre encore des choses qui fit dans aucune boîte, puis on comprend pas pourquoi. Là. Donc, je pense que ça... Ben, il commence à avoir des organismes qui ont l'air d'avoir un comportement un peu plus du côté des animaux, mais ils ont la capacité de fabriquer de la chlorophylle et donc de vivre de l'énergie du soleil. Donc là, on ne sait plus si c'est une plante parce que ça bouge, ça se promène. Oui, les blobs, là. Je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça, c'est vraiment... Ouais, c'est comme un blob, là. C'est vraiment pas grand-chose. Oui, j'ai vu, il y avait un documentaire. Mais ça se déplace. Mais ça métabolise la lumière. Donc là, c'est pas une plante, mais c'est pas un animal, parce que ça métabolise la lumière. C'est super si bon. C'est ce que je pense, il y a un documentaire là-dessus qui est sorti il y a une couple d'années que j'ai pas vu, qui s'appelle The Creeping Garden. Ah, OK. Puis ça parle c'est quoi déjà le mot? C'est des moldes. Oui, des moisissures. Ouais, mais c'est pas des moisissures. C'est des lichens? Non, c'est... Je me rappelle plus du nom pour, mais c'est quelque chose mold. OK. C'est un genre de blob. Mm-hmm. C'est genre, celui qui monte souvent dans le trailer, c'est jaune, ça se propage. Puis ça peut faire des systèmes entre lui, genre, pour aller comme à la bouffe. OK. C'est intelligent. Ça peut apprendre un peu ou anticiper. OK. Mais ça a l'air tellement basique. Mais c'est unicellulaire. Ah, OK. C'est une patente unicellulaire. C'est gros. Qui est capable d'apprendre. Là. Ouais, c'est apprendre entre guillemets. Ouais, ouais. Il va de réagir. Ouais. Avoir un réflexe. Ouais. De, ça peut sortir, mettons, dans le labyrinthe. OK. Wow. Ouais, c'est ça. Fait que. Mais ça bouffe du champignon aussi. OK. Mais c'est ça, il y a personne qui sait si. C'est pas nécessairement, c'est clairement pas un animal, mais c'est pas une plante non plus, à cause justement de ses comportements. Ça a des comportements. C'est fou ça. Ouais. Mais la taxonomie, je pense, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Peut-être trouver quelqu'un pour m'en parler. Ouais. Si je mets une plug, man. Peut-être. Ouais, on en reparlera tantôt. Ouais. Fait que t'as les eucaryotes puis les prokaryotes. Ouais. Donc les bactéries. Qui sont eucaryotes. Prokaryotes. Prokaryotes. Ouais. Ça commence mal. Tout le reste est eucaryotes. Donc champignons, algues, plantes, animaux, tout ça c'est eucaryotes. Pourquoi les bactéries sont différentes? Ben, on pense que ce serait. C'est plus simple, donc on pense que ce serait ça qui serait arrivé en premier. Donc, ce qui arrive dans les bactéries, c'est que l'intérieur de la bactérie n'a aucune délimitation. Donc, on va parler tantôt des organites, donc les organes à l'intérieur des cellules eucaryotes. Les cellules prokaryotes, donc les bactéries, n'ont pas ça. C'est juste une capsule, puis à l'intérieur, c'est du jus, c'est un mélange de tout, un mélange de plein de molécules, mais il n'y a pas de cloison pour avoir des réactions chimiques qui se passent séparément de d'autres choses, par exemple. Donc tout est comme un melting pot. Il y a des régions un peu, mais c'est mal défini, tandis que là, il y a comme eu une évolution, je ne sais pas comment, mais les eucaryotes, leur particularité, c'est que dans la cellule eucaryote, tu as plein de choses qui sont cloisonnées, donc on appelle les organites. Donc en créant des cloisons, on peut changer par exemple le pH à l'intérieur, on peut changer la salinité à l'intérieur, on peut vraiment changer les conditions du milieu à l'intérieur d'une cloison, puis le fabriquer des choses, puis après ça les ressortir pour aller faire d'autres choses ailleurs. Donc, il y a plein de réactions chimiques qui sont beaucoup plus facilitées par le fait que tu peux les cloisonner puis les éloigner de toute l'activité qui se passe ailleurs dans la cellule. Donc, dans une cellule comme telle, tu peux avoir plusieurs niveaux de pH différents. Donc, tu as vraiment des cloisons, puis c'est ça qui permet justement. Ouais, je pense que ça permet juste une plus grande complexité de se développer, là, de justement, pouvoir Avoir créer des des modules réactions. différents. Ouais. Puis pouvoir justement faire des réactions qui sont différentes, qui sont protégées du reste de la cellule. Fait que la bactérie, c'est vraiment comme de base. Tu as une capsule, puis à l'intérieur, c'est un jus mélangé de tout, de toutes les molécules que tu as besoin. Une grosse poche là avec Ouais. tout qui baigne Oui, ensemble. tout bien ensemble dedans. Ouais. Fait que ça a évolué vers des cloisons. Mais c'est sûr, la bactérie a dû évoluer de son côté aussi pour devenir de plus en plus efficace comme ça, là. Éventuellement. Ouais. Est-ce qu'on a des exemples de vieilles bactéries qui sont dans des médiums quelconques comme de l'ambre ou Oui, ben on en trouve tout le temps. des fossiles. Ouais. Parce que ça vit encore, mais on trouve des bactéries dans des endroits que l'homme a du mal à atteindre parce que c'est des environnements difficiles, donc très très profonds dans la terre, dans des volcans, des sources volcaniques. Il y a un lac en Antarctique apparemment en dessous de la glace, ça Ça se comme peut? plusieurs kilomètres. Ouais, dans le froid, puis il y a des choses qui vivent. Dans la mer Morte aussi, je pense qu'il y a des bactéries, puis Ah ouais? c'est. Ouais. Ben, peut-être pas, hein, parce que ça s'appelle la mer Morte. Mais dans le coin, il y a des bactéries halophiles les grandes quantités de sel, ça les dérange pas. Halophile? Halophiles. Halophile? Avec un H ou Ouais, pas? Halo, phil. Ça bouffe quoi? Des halos? Non, ça veut dire que halophile, c'est. Halo, c'est le sel, donc Ok. qui apprécie le sel, dans Ok. le fond. Parce que les niveaux de sel, mettons, nos cellules à nous vivent pas dans un niveau de sel trop élevé. C'est pour ça qu'on doit constamment s'hydrater. C'est ça, le principe, c'est de garder la concentration saline de notre sang, comme toujours, pas trop élevée. Dans le fond, faut que ce soit en équilibre avec la concentration à l'intérieur de la cellule. Donc, le milieu à l'extérieur, il faut que ce soit en équilibre avec l'intérieur de la cellule, parce que les membranes de nos cellules eucaryotes sont faites pour avoir une certaine perméabilité. Donc, il faut que l'environnement demeure quand même. C'est pour ça que les animaux, on vit toujours dans des environnements qui sont définis sur la Terre, par exemple. Il y a des environnements extrêmes dans lesquels on ne peut pas vivre parce que on est fait comme ça. Puis nos cellules sont efficaces, sont super spécialisées, peuvent faire plein de choses, mais au détriment d'être capables de s'adapter à toutes les situations. Tandis qu'il y a des bactéries qui sont vraiment capables de s'adapter à tout, comme les bactéries dans les sources volcaniques, le Thermophilus, le genre Thermophilus en général, qui vit à des températures qu'il n'y a aucun autre organisme vivant qui tolère, ben c'est ça, ils sont vraiment spécialisés au fil des milliers d'années. Mais on peut aussi trouver des bactéries sur les vaisseaux spatiaux. Oui, qui vivent, oui. Le bacillus. Mon Dieu, j'oublie. J'ai oublié. Mais oui, ben, qui peuvent très bien survivre avec des quantités ridicules de nutriments ou quoi que ce soit. C'est vraiment. Mais c'est beaucoup un organisme qui est fait aussi pour être en hibernation longtemps. Ah, ok, ouais. Ouais. Comme. Qui peut. Ben, il y a plusieurs bactéries qui peuvent faire des sports. Donc les sports, c'est super résistant Le à tennis, plein de choses. Hein? tu peux faire des sports comme Non. le tennis. Les sports SPORE. Ah! Oui. comme les champignons, les spores de champignons, mettons. Mais les spores de bactéries, c'est ça qui cause les problèmes de santé difficile dans les hôpitaux, en fait, parce que les choses sont nettoyées avec des bactéricides, mais pas nécessairement avec des produits qui sont sporicides, parce que les spores, c'est un peu comme la graine de la plante, mais pour la bactérie, donc c'est quelque chose d'extrêmement solide et résistant qui va résister à toutes les conditions environnementales, idéalement, jusqu'à ce que les conditions idéales arrivent et que l'œil éclose et que ça devienne une bactérie qui se reproduit, parce que maintenant les conditions sont idéales. Donc exactement comme une graine pour une plante. C'est juste que dans des conditions comme dans un hôpital ou dans n'importe quel édifice public, ça prend vraiment des gros produits chimiques pour se débarrasser d'un spore, parce que c'est fait pour résister au sel, c'est fait pour résister à la chaleur, au froid, pour résister à l'abrasion chimique. C'est ça qui ferait que en plein hiver sur le trottoir, il pourrait avoir des spores, puis à l'été, ça va clore, puis ça va revenir. Ils sont faits pour durer. Donc, se débarrasser de ça, ça prend des produits chimiques super forts. C'est difficile. C'est donc, difficile. Ah, mon Dieu, j'avais même pas pensé à ça. Mais oui, voilà. Clostridium difficile dans les toilettes des hôpitaux, ben, c'est dur de s'en débarrasser. OK, mais la bactérie comme telle est tuée. Oui, c'est ça. La bactérie est tuée par les produits qu'on utilise. Bon, les produits bactéricides, c'est moins complexe, là. Par exemple, une solution d'alcool à 70%, c'est suffisant pour tuer des bactéries. Ah ouais? En général. En général? À part peut-être la tuberculose, mettons. Ah. Mais... juste la tuberculose. Ouais. Mais c'est une des particularités de la tuberculose, c'est que les antibiotiques et tout, il a fallu trouver autre chose pour éliminer la tuberculose, parce que c'est super résistant. À plein de choses, de par sa capsule. Je disais, les bactéries, c'est formé d'une capsule, mais ils ont tous des différents types de capsules, mais il y en a qui sont vraiment super, super résistantes. La tuberculose Mycobacterium, c'est le genre Mycobacterium, ça fait partie d'une catégorie de bactéries qu'on appelle alcoolo-acido-résistantes. Donc, même à l'acide, même à l'alcool, c'est encore là. Ah ouais. Encore vivante, puis elle n'est pas en sport, elle est vraiment là. Mais des mycobactéries, oui. le préfixe myco, ça a pas rapport avec les champignons? Oui, mais je pense que c'est peut-être juste la forme, quand ça a été découvert, parce que c'est des bactéries qui sont longues, puis un peu spiralées, donc c'est peut-être juste lorsque ça a été découvert, ce genre-là a été attribué là, tellement longtemps. Un problème là, de taxonomie encore? Oui, peut-être, bien encore là, elle était résistante à l'alcool, résistante à plein de choses, puis elle avait une coquille justement, une capsule qui faisait qu'elle était résistante, puis les champignons ont tendance à avoir une capsule de chitine, donc probablement que les gens ont beaucoup hésité, mais c'est Mycobacterium, donc on sait que c'est une bactérie. OK. Mais c'est que ça a dû être... c'est super intéressant, la taxonomie des bactéries aussi, là. Super intéressant. Ah, mais moi, je me suis dit, on continue à parler de ça. Comme les clostridium, ben, comme l'acide difficile, clostridium difficile, ça vit dans l'estomac, donc ça ne survivrait pas de toute façon vraiment en dehors du corps humain. Mais les spores, par exemple, ça survit plein de affaires. OK. Y a-t-il des manières de différencier les eucaryotes? Tu dis que c'est les bactéries. Ah oui, ben les eucaryotes entre eux autres. Ouais. Ouais. Ou c'est juste des cellules avec des modules différents? Ben, un peu. Pour vrai, juste au microscope, là, ça serait bien dur de faire la différence nécessairement, parce que oui, c'est un peu pas mal la même structure. Donc les eucaryotes, ben, c'est sûr qu'il y a des organismes qui sont unicellulaires. Donc une cellule est capable de tout faire. La reproduction, la mobilité... Le métabolisme de l'énergie, la cellule elle-même va tout faire. Donc, quand tu les vois, ben c'est juste une cellule. Puis là, tu peux différencier les unicellulaires qui sont peut-être plus du côté des protozoaires. Ouais, des protozoaires, voilà. Les protistes, dans le fond, c'est des organismes qui vivent, mais qui fonctionnent un peu comme les animaux. Donc, la cellule elle-même, elle peut manger, métaboliser ce qu'elle a mangé dans l'environnement et tout. Puis, d'un autre côté, t'as les algues unicellulaires. Donc, ceux qui vont avoir plus une structure de plante. Donc, eux autres, ils vont métaboliser le soleil pour vivre. Donc, la cellule elle-même, elle va pas manger. Elle n'a pas nécessairement une manière d'englober ouais. du matériel, mettons. Donc, juste... Mais elle va avoir une teinte verte parce qu'elle va avoir le module, dans le fond, qui sert à métaboliser l'énergie du soleil, qui est le chloroplaste, dans lequel il y a la chlorophylle. Donc, il va avoir ces petits organites verts là, à l'intérieur de l'algue qui fait qu'elle métabolise le soleil, puis c'est suffisant. Ensuite de ça, ben là, on va dans les organismes multicellulaires, donc avec plusieurs cellules. Puis là, ben, toutes les cellules, il y a toutes les formes inimaginables dans la nature parce que chaque cellule devient spécialisée pour un rôle en particulier. Donc, elles peuvent prendre des formes tout à fait inusitées, même des formes, souvent des formes qui ne sont pas vraiment viables à l'extérieur. En fait, la plupart de ces cellules-là ne sont pas vraiment viables à l'extérieur du corps parce qu'ils sont faits pour faire partie d'un organe. Donc, sont faites pour être avec d'autres cellules semblables à elles, puis vivre comme. Pas en harmonie, mais. Ouais, ouais. C'est comme, sont comme synchronisées, là. Ils communiquent entre elles et tout pour s'organiser. Enfin, se sont organisés, c'est ça. C'est une organisation. Donc. C'est comme tous les organes complexes, comme ouais. Les reins, le foie, ouais. Les poumons, le cerveau, les muscles. Oui. Les cellules aussi sont. Les os. Les os, c'est super dynamique. Ouais. Ouais. Ça paraît pas, mais c'est vivant un os. Hein? On s'imagine oui. Que c'est dur, c'est comme du béton. Ouais, on pense qu'on a le même squelette depuis qu'on est né, mais vraiment pas. Ça fait plusieurs fois qu'on a changé de squelette. Ouais, ça, quand tu regardes les cellules, les structures de osseuses là, au microscope, c'est super poreux. C'est poreux à l'intérieur, là, mais si on parle de l'os dur qui est comme autour de la moelle, là, non, c'est dur. Ok, mais je sais pas, j'ai vu des images d'os. Au microscope, il y a des trous là-dedans. À l'intérieur? Oui. Où est-ce qu'il y a la moelle? Probablement. Ouais. Genre, c'est poreux. Les trabécules osseux, puis il y a la moelle qui vit à l'intérieur des trabécules osseux. C'est osseux. Ouais. Mais tu sais, c'est des trous, puis c'est rouge. Ça, c'est la moelle. Oui, OK. Ouais. L'os comme tel, il est blanc. Oui, mais c'est du calcium. Il faut qu'on ait juste une petite couche de calcium autour de... Non, c'est quand même une bonne couche. Oui? Oui, oui. T'as jamais cassé un os pour voir la quantité de moelle qu'il y a dedans? Non. Ça manque à ta culture. Non, j'ai pas fait ça. Mais ça dépend du diamètre. Mais non, mais t'as raison, j'ai déjà mangé de l'osso bucco. Oui, c'est ça. Fait que t'as quand même une bonne épaisseur tout le tour qui est dure. Mm-hmm. Puis à l'intérieur, là, tu vas juste avoir comme une éponge un peu, comme un treillis. En fond, ça fait un treillis de cellules osseuses. Okay. Puis à l'intérieur, c'est colonisé par les cellules hématopoïétiques, qui sont les cellules qui fabriquent les cellules du sang. Hémato, le sang, poïétique. Ça doit être comme création, quelque chose, tout genre. Ce sont les précurseurs sanguins, donc les cellules, ils vont migrer de la moelle osseuse jusqu'au sang, quand ils sont prêtes, quand ils sont adultes. Mais sinon, l'os autour de la moelle, c'est extrêmement dur. C'est vraiment calcifié, dur, mais c'est quand même tout à fait vivant, donc c'est constamment un équilibre de cellules qui bouffent l'os, littéralement, qui détruisent l'os, puis de cellules qui refont en arrière l'os. Donc, c'est toujours en reconstruction. C'est pas comme ça super dynamique. Partout à travers le corps, en fait? Non, pas comme l'os. Pas comme l'os. La structure osseuse qui est non vivante, là, donc la matrice qui est calcifiée, qui est dure, c'est comme s'il y avait des petites taupes à l'intérieur qui se creusaient des chemins constamment, tout partout. Donc, c'est les ostéoclastes. Ce sont les cellules destructrices qui passent leur temps et eux autres, ils vont dans une direction, paf, puis ils détruisent tout. Puis derrière eux, il y a les ostéoblastes, donc les cellules ostéoconstructrices, qui passent derrière où est-ce qu'il y a des trous et qui reconstruisent, qui resécrètent de la matrice osseuse toute neuve. Donc non, il n'y a pas d'autres organes qui fonctionnent comme ça et qui détruisent tout parce que les autres organes sont formés de cellules, tandis que le... Donc, tu pourrais pas juste passer comme un bulldozer puis tout détruire. Tandis que l'os, c'est de la matrice, mais c'est pas vivant. Fait que les cellules vont juste passer, ils détruisent, puis ils refont derrière. Okay, ils repassent. Fait que c'est toujours dynamique. Au début, quand tu me disais, il y a des cellules qui bouffent, je me disais, mais tu sais, c'est pas comme des espèces de taupes. Je pensais que c'était juste, il y a des cellules, puis il y en a qui se mangent, puis il y en a d'autres à côté. Non, qui... non, c'est ça. C'est vraiment une matrice non vivante. Puis il y a des cellules qui passent, puis qui se font des chemins. Puis les autres passent derrière. Puis reconstruisent. C'est vraiment unique à l'os. Puis les dents, c'est pas comme ça. L'émail des dents, ça, c'est complètement non vivant. Puis c'est pas refait. Tu peux pas régénérer l'émail de tes dents. Ça, faut que tu fasses attention à ton émail. Oui. Pense-toi le matin et le soir. Voilà. Ça ne reviendra pas. Ouais. Il n'y a aucune petite cellule qui va venir reconstruire. Mais là, l'os aussi, il y a une couche par-dessus de cellules qui sont vivantes aussi, puis qui viennent l'alimenter. Donc, il y a des nerfs, il y a des veines et tout autour des os pour alimenter toutes ces cellules-là qui sont super dynamiques. Tandis que les dents, ben là, il n'y a rien. Y a pas, ça serait compliqué d'avoir un système pour réalimenter nos dents. Fait c'est vraiment fascinant, je suis capable On de est bien rendu Je suis capable de bien rêver. On est rendu loin. Mais, Tu me demandais sur les types de cellules. ouais. Ouais. Mais, je veux dire, pourrais-tu en parler encore plus ou on peut commencer à parler de ce qu'il y a Mais, dans les cellules comme mettons, pour telles? résumer ce que tu voulais dire, les types de cellules, ce qu'on peut vraiment facilement faire la différence, c'est les cellules de plantes puis les autres cellules animales. Donc, il y a des cellules avec des chloroplastes qui métabolisent la lumière du soleil pour faire l'énergie et les cellules qui doivent manger pour faire l'énergie, donc qui Yeah. doivent absorber. Mes cellules de plantes, tu regardes au microscope, là tu vois qu'il y a le module chloroplaste dedans, c'est Oui. ça? Okay. Oui, il va y avoir littéralement des petites bulles, des petites bulles vertes, si tu regardes. Sont vertes, tu Oui. vois vertes, Oui, parce que. parce que la chlorophylle, c'est vraiment un pigment vert. Donc, ouais, tandis qu'il n'y a rien d'autre qui est réellement coloré dans les cellules. Pour étudier les cellules, il faut leur mettre des colorants. Donc, il faut, par exemple, lorsqu'ils font des frottis sanguins pour les prises de sang, pour faire les décomptes de cellules immunitaires, par exemple, de globules blancs, donc, c'est une petite goutte de sang qu'ils mettent sur une lame. Ça se fait dans tous les hôpitaux, tout le temps, là. C'est vraiment de routine, là. C'est une petite goutte de sang sur une lame de verre. On l'étale, puis on laisse sécher. Et après ça, on met du colorant. Puis ensuite, on la regarde au microscope. Donc, les globules rouges sont rouges. Ça aussi, c'est vrai. Les globules rouges sont rouges, en fond. Ça aussi, sont-ils vraiment rouges? Attends un peu. Je Oui. sais plus, me semble Ouais, que non, c'est rouge. Mais... dans les diagrammes que tu vois, ils sont bleus, après ça, ils deviennent rouges. Ah, oh, ouais, Peut-être qu'ils sont oxygénés, en c'est plus guillemets. comme mauve foncé Ouais, ok. et rouge. Pour C'est pas vrai? vraiment bleu, ouais. Je pensais que c'était juste pour différencier le sang qui Non, rentre c'est puis le vrai. sang. Ok. C'est vrai, ouais. Dans le fond, c'est l'hémoglobine qui est la protéine qu'il y a dans les globules rouges qui transporte l'oxygène. Donc, l'hémoglobine, c'est comme une grosse protéine. Mettons que c'est comme une roue ou un beigne. Et au milieu du beigne, il y a un atome de fer. Puis l'atome de fer, c'est lui qui capte l'oxygène. Parce que l'atome de fer, c'est un accepteur d'oxygène. Ah, mon Dieu, ma chimie est vraiment loin. Mais c'est vraiment comme si c'était un aimant, là. Il est vraiment, la façon qu'il est placé, il est capable d'accepter des molécules d'oxygène puis de les garder près de lui. Donc, sa forme tout seul est comme mauve. Sa forme liée à l'oxygène est comme rouge. Puis, il a fallu que je travaille dans un hôpital pour voir ça, mais quand ils font une prise de sang ou quelque chose du genre, une ponction, quoi que ce soit, on peut réellement voir que le sang veineux est mauve foncé, que le sang artériel est rouge, rouge, rouge. Je pensais que c'était, ouais, moi aussi je pensais que c'était faux, puis c'est juste une représentation dans les schémas et tout, mais non, il y a vraiment une différence quand, si le médecin pique dans une artère, tu vois, c'est rouge, rouge, rouge, puis s'il pique dans une veine, c'est comme mauve. C'est sûr, aussitôt que c'est en contact avec. Quand on voit un splash de sang à terre, c'est tout de suite rouge parce que c'est en contact avec l'oxygène, donc ça devient tout de suite saturé. Mais c'est quand c'est dans la seringue, qui est donc sous vide, c'est vraiment mauve Bourgogne. Enfin, je regarde de plus proche la prochaine fois que je Ouais. me fais prendre une Mais prise de peut-être sang. pas mauve, mais Bourgogne. Ouais, c'est foncé. C'est très foncé, ouais. Tandis que le sang artériel, bien plus. Ouais, c'est ça, C'est plus bien plus vif. rouge. Ouais. Ah. C'est vraiment intéressant. J'espère jamais avoir du sang artériel, honnêtement. Ben, c'est pour des opérations, pour un prélèvement vraiment particulier, parce que, non, en général, les prises de sang, c'est les veines. Ouais, dans ma vie de tous les jours, j'ai pas à avoir des opérations. C'est compliqué, Si là. je vois du sang artériel dans ma vie de tous les jours, parce que Oui. je devrais pas être dans une C'est situation ça. où je suis. Quelque chose qui cloche. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien plus compliqué à aller chercher, de toute façon. Les Bon, veines sont en j'imagine. surface, puis les artères sont à l'intérieur. Ça, les veines, tu peux les voir facilement, parce Ouais. que les cellules de peau sont transparentes. Oui. Pas mal. Entre guillemets. Sauf chez quelqu'un qui a beaucoup de mélanine. Donc, les cellules, nos cellules de peau sont transparentes parce Ah, qu'on ok. est très caucasien. C'est ça qui arrive. C'est pas. Oui, c'est ça. Plutôt de la mélanine. La mélanine, ça rend vraiment la chose opaque. Oui. Oui. C'est dur. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de pigment sinon. Ok. Il y a leur mélanine, qui, elle, je pense pas qu'elle ait de couleur. Non. Ouais. Ou la phéomélanine? Oh mon Dieu, il y a deux types de mélanine. Et là là! Il y a une mélanine qui est plus sécrétée par les gens qui sont roux, puis il y a une mélanine qui est plus sécrétée par les gens qui ont la peau foncée. Fait que les gens qui sont Phéomélanine. roux sécrètent de la mélanine. Ben, on en a tout un peu, là, Oui. mais... Ça nous aide à dormir, je pense. Ou ça, c'est la Non, non, c'est mélatonine. de la mélatonine! C'est vraiment Wow. pas ça! C'est vraiment, là, la... Échec. Et jaune à rouge, la phéomélanine. Ah oui, ok. Donc, c'est la coloration rousse des cheveux. Ah, puis le mélanine, c'est vraiment elle qui est brune. Donc, non, la mélanine, c'est un pigment qui est sécrété que la cellule elle va mettre. Non, il n'est pas sécrété, il est à l'intérieur de la cellule, mais il va placer juste sur la surface de la cellule qui est vers la surface de la peau, donc vers le soleil. Donc, c'est super intéressant. Dans le fond, la cellule qui produit la mélanine, elle va pas avoir juste de la mélanine partout à l'intérieur de la cellule. Ça va être tout positionné pour faire comme un parasol vers le soleil, genre pour faire comme une protection. Donc, le but, c'est de bloquer les rayons UV qui s'en viendraient vers le noyau, qui pourraient détruire le matériel génétique. Donc, le but de la mélanine, c'est vraiment ça, de faire une protection contre les rayons nocifs. Et rayons UV, parce que bon, le but de la cellule, c'est aussi de protéger son matériel génétique pour être capable ensuite de le passer aux prochaines générations. Donc avec ça, on peut aller vers les organites de la cellule. Ouais. Je viens de plugger le noyau, là. Le noyau, c'est pas mal la chose la plus importante. Ouais, ben, c'est vraiment une des choses qui différencie, là. Donc les bactéries, ils n'ont pas de noyau. Donc il y a comme une zone à l'intérieur de la bactérie où le matériel génétique se tient plus. Notamment. Genre le fond du sac, là. Non, je pense que c'est comme au milieu, parce qu'il faut que ce soit accessible de partout. OK. Mais ce qui est vraiment le particulier dans les cellules eucaryotes, c'est que là, on a fabriqué un organe énorme pour mettre autour du matériel génétique, pour le protéger, pour que tout ce qui se passe dans la cellule, ça puisse pas l'affecter, pour qu'on puisse pas le briser par inadvertance en donnant un coup de coude dessus. C'est vraiment sa place, c'est là qu'on duplique l'ADN, donc qu'on en fait deux, ben qu'on en fait une autre copie pour ensuite être capable de reproduire la cellule, par exemple, par division. Il y a plein de choses à l'intérieur du noyau, il y a plein de protéines qui servent juste à protéger le matériel génétique, à surveiller que tout est en ordre, qu'il n'y a aucune cassure, puis que s'il y a une cassure, il va y avoir d'autres protéines qui vont venir à la rescousse pour réparer les cassures. On s'assure que ça reste vraiment. On s'assure de son intégrité. Okay, donc, dans le noyau, il n'y a pas juste de l'ADN. Non. Il y a des protéines. Ouais. Ces protéines-là sont capables de savoir. Ils font la maintenance. Ben, ça bouge, ces affaires-là. Ça regarde, puis Mais ça bouge, ça flotte. ça flotte. Ouais. Donc les protéines, c'est bien, bien important. Ouais, comment ça fonctionne? Parce que là, tu me dis qu'ils peuvent voir parce qu'il y a une cassure, puis vont venir la réparer. Mais Ouais. c'est pas. C'est-tu C'est pas un vivant? animal, là, C'est non, non, non. pas vivant comme tel, comme Non. on le conçoit. Non. Les protéines, c'est ce qui fait que toute la vie vit. Les protéines, c'est vraiment. Le matériel génétique, c'est bien, mais les protéines, c'est comme. Le matériel génétique, c'est la recette, mais les protéines, c'est le produit qui. C'est le travailleur, c'est la main qui construit, mettons. En essayant de pas trop être philosophique. Mais les protéines, dans le fond, c'est une molécule qui est super complexe. C'est vraiment une molécule complexe, mais dont la complexité lui permet d'avoir des zones qui permettent de faire des réactions chimiques particulières. D'avoir une structure qui lui permet d'accomplir des rôles particuliers. Donc, chaque protéine va faire une réaction, va servir à quelque chose. Et c'est le fait d'en avoir tout plein qui va faire qu'il va vraiment avoir des systèmes à l'intérieur de la cellule. Donc, les protéines, c'est partout dans tout ce qu'on a parlé aujourd'hui qui est vivant. Il y a des protéines parce que, dans le fond, l'ADN, c'est la recette pour écrire des protéines. Donc, c'est ça qui fait qu'on a un organisme, c'est ça qui fait qu'on a une cellule au final, c'est que dans le code génétique, dans l'ADN, il est marqué toute la recette pour toutes les protéines que tu as besoin de faire pour être une cellule et pour fonctionner en tant que cellule. Donc, la plupart des cellules, c'est des enzymes. Pardon, la plupart des protéines, c'est des enzymes. Donc, une enzyme, c'est ça, c'est une protéine qui peut faire une réaction chimique. Puis c'est là toute la magie de, genre, tout ce qui peut construire quelque chose ou fabriquer quelque chose à l'intérieur de la cellule, ben ça va être une enzyme qui va avoir fait une réaction chimique sur quelque chose. Puis il va en avoir une autre qui va venir faire une autre réaction chimique sur l'autre produit, le deuxième produit, etc. Puis il va avoir une Ils chaîne sont tous d'enzymes. extrêmement spécialisés. Oui, ils font... Mais il y en a des très très complexes qui peuvent avoir plusieurs endroits sur la même protéine qui peuvent faire des réactions différentes. Ça arrive. Donc c'est bien, bien... C'est des molécules vraiment, vraiment complexes. Là. Juste avoir la formule chimique, par exemple, on est rendu dans des molécules où on n'écrit plus la formule chimique parce que ça fait pas de sens. C'est immense. C'est trop long, ça rentre pas sur une feuille. Oui, c'est ça, quand tu la dessines, ben dans le fond, c'est une macromolécule. On appelle ça une macromolécule parce que c'est comme formé de petites molécules qui sont des blocs de construction. Donc, c'est ça qui est écrit dans l'ADN. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'ATCG, les quatre lettres. Oui. Ouais, les quatre lettres du code génétique. Donc, ces lettres-là, en groupe de trois, ils codent pour un bloc de construction pour une protéine. Donc, on a environ 28 blocs de production dans le règne animal au complet. Pas tant que ça, 24. On a une vingtaine de blocs de construction qui sont des acides aminés qui forment les protéines. Donc, quand on lit l'ADN, chaque groupe de trois, donc mettons ATG. Après ça, ATT. Après ça, CG. C. Bon, chaque petit groupe code pour un bloc de construction. Donc, en lisant ça, ils sont capables de construire. Pop, pop, pop, pop. Donc, chaque bloc va être un acide aminé, comme une méthionine, une leucine, un acide glutamique. Donc, la cellule avec d'autres protéines, évidemment, ça c'est l'œuf ou la poule, là, qui c'est qui a commencé en premier. On a eu un code génétique, mais là, pour lire le code génétique, ça prend une protéine qui va lire le code génétique pour fabriquer une autre protéine. Donc, on ne sait pas d'où ça part. Des anciens extraterrestres. C'est ça. Mais avec ça, on va lire, voilà, le code, puis les protéines qui vont assembler une protéine qui va être comme un long collier de blocs de construction. Mais chacun est différent. Chaque acide aminé va avoir des groupements, des atomes différents sur lui. Donc, lorsque le grand collier de blocs de construction est fini, la protéine va se replier parce qu'à l'intérieur, dans les acides aminés, il y en a qui vont être positifs, il y en a qui vont être négatifs, il y en a qui vont former des ponts entre eux autres. Donc, le collier va venir se former comme un moton, dépendamment quelle perle va s'associer ensemble. C'est comme si vous avez un collier, puis là, il y a des perles qui sont négatives et des perles qui sont positives. Fait que les autres vont venir se coller. Ploup, fait que là, on forme un 8. Mais là, il y a une autre perle positive, une autre perle négative. Fait que là, ton 8, il y a deux petits autres morceaux qui viennent se coller ensemble, etc. Jusqu'à obtenir un moton. Un littéral moton. Mais à l'intérieur du moton, il va y avoir des cavités où il va y avoir eu des groupements chimiques. Qui vont être capables d'accepter d'autres protéines, par exemple, qui vont s'imbriquer, qui vont catalyser une réaction chimique, ou que des petites molécules vont pouvoir rentrer, puis avoir une réaction chimique qui va se faire avec l'intérieur de la protéine, etc. Donc, c'est vraiment l'origine de la vie, l'origine de tout ce qui fait dans notre corps, qui se fait dans notre corps, c'est des protéines qui catalysent des réactions chimiques. Donc, on disait, dans le noyau, oui, il va y avoir des protéines qui vont être capables de détecter, donc, ils vont avoir un endroit dans la protéine qui va être capable de voir si elle touche un brin d'ADN, s'il y a un trou. Donc là, elle, s'il y a un trou, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, mettons, s'accrocher là. Il y a une protéine qui se promène le long du brin d'ADN aussi, puis qui détecte si jamais il y a une protéine qui brille là. Parce que la protéine qui brille là, elle a détecté qu'il y avait un trou. Donc là, en s'attachant là, il y a une autre protéine que tout ce qu'elle fait, c'est détecter si celle qui se promenait, elle s'est attachée à quelque chose. Puis là, on va faire, ah, mais s'il y a quelque chose là, moi, il faut que je répare un trou. Ouais, fait que dans le fond, C'est ils... fou! fait que dans le fond, ils sont toutes faites pour. Si Pour faire une chose. Genre. Si par hasard, ils passent par là. Oui, c'est ça, parce qu'ils bougent pas. C'est ça. C'est un gros jus qui flotte tout ensemble. Mmh. C'est ça qui est dur à comprendre des réactions chimiques. C'est tu dis, il faut que l'atome là rencontre l'autre atome là, puis il va se passer quelque chose. Mais comment qu'on fait pour savoir à quel moment est-ce qu'ils sont ensemble? Ben, c'est un peu la théorie quantique de il est où l'électron? On sait pas il est où l'électron, il est partout. Il est pas nécessairement là, mais il est partout. Ben, c'est ça. C'est comme un gros jus, puis ça frotte ensemble, puis ça se promène, puis C'est ça. Puis là, c'est ça. il y a ces protéines-là qui sont faites pour se connecter à d'autres affaires dans des situations Ouais. vraiment spécifiques. Hyper spécifique. Puis là, Ça fait une s'ensuit cascade, ouais, dans le c'est ça, fond. s'ensuit la chaîne de comme d'autres protéines qui vont se connecter. Ouais. La chaîne de signalisation. Juste les chaînes de signalisation comme ça, il y en a partout dans la cellule. Mettons, juste pour un signal extérieur. Un signal extérieur, ça pourrait être une hormone, parce que... Je sais pas. Une attaque, mettons. Ah ouais, c'est ça. Mettons, un antigène, une bactérie. qui arrive. Ça va pas être un signal extérieur. Donc, aussitôt qu'il y a une bactérie qui arrive, le globule blanc qui est dans le sang, que sa job, c'est de faire attention pour trouver des bactéries. Puis, ben là, la bactérie, il va avoir sur la surface du globule blanc une protéine que sa job, ça va être de détecter des bactéries. Et aussitôt qu'elle s'attache avec une bactérie, en dessous, fait que là, je la vois dans la membrane, là. Sur la membrane, t'as une protéine qui fait les deux côtés de la membrane. Elle passe à travers, dans le fond. Fait qu'il y a un côté qui est à l'extérieur de la cellule, puis un côté qui est à l'intérieur de la cellule, de la même protéine. Fait que là, s'il y a une bactérie qui vient se coller sur le côté qui est à l'extérieur de la cellule, à l'intérieur de la cellule, ça va changer la forme de la protéine. Puis là, il y a une autre protéine à l'intérieur de la cellule que sa job, c'est de détecter quand la forme change. Donc là, elle va se connecter. Puis là, ensuite, il y a une autre protéine qui va voir, ah, celle-là, elle s'est connectée, elle a changé de forme. Ah, là, je vais aller changer de forme moi aussi, puis ça va... Donc, ça fait vraiment une cascade de signalisation qui va alerter nos protéines, qui va alerter nos protéines, qui éventuellement va faire toute une cascade pour réagir au fait qu'il y a eu une bactérie qui s'est retrouvée dans le sang, par exemple. Donc, tout fonctionne comme ça. Vraiment, vraiment beaucoup de choses dans la cellule. Tout ce qui est communication avec l'extérieur, etc. Pour aller changer. Donc, souvent, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir toute une cascade jusqu'à ce que quelque chose se rende au noyau. Puis là, dans le noyau, on va dire « Ah, alerte, il faut fabriquer telle protéine pour pouvoir exécuter telle fonction. » Donc, par exemple, détruire la bactérie. Ou justement, rentrer dans un autre cycle d'alerte pour le globule blanc. Donc, ça va faire toute une cascade, ça va aller jusqu'au noyau. Puis là, ça va activer la protéine qui va se lier au gène qu'on veut exprimer. Donc, un gène de défense, par exemple. Puis là, il va y avoir toute une cascade d'autres protéines qui vont venir pour commencer à lire le gène, traduire le gène, fabriquer une protéine qui, elle, va pouvoir répondre au signal. OK, mais comment qu'on sait quel gène de défense aller voir? Boy! c'est dur à dire, c'est complexe. Ça dépend quel facteur va rentrer au noyau. Lui, il va activer une protéine particulière que sa job, ça va être d'activer un gène particulier. C'est déjà tout spécialisé. C'est déjà tout fait pour se reconnaître. On pourrait en parler pendant un autre 40 minutes, c'est ça? c'est vraiment, vraiment complexe. Mais bref, le noyau, c'est pour garder le matériel. On fera t'es capable de nous faire un podcast sur les canaux de signalisation? Ouais, peut-être. Ouais. Ça serait peut-être intéressant. Je viens d'en dire pas mal. Là. Ouais, OK. Ouais. Je sais pas, parce que moi j'ai de la misère à comprendre encore une fois. C'est comment... Dis-moi là quand tu comprends pas. Là, non, mais c'est juste que comment on sait pour. Ouais, comment elle sait. Que là c'est une bactérie. Sur le gène. Ah, là, c'est pas que c'est une bactérie. La première protéine, elle savait que c'était une bactérie, puis là, les autres ils font juste leur job. Mm-hmm. Tu sais, chaque protéine, mettons, on va voir. Ah, quand telle autre protéine a changé de forme, là je peux venir me coller dessus, puis là en me collant sur l'autre, ça va changer toutes les interactions. Comme je disais, entre les perles, entre les blocs de construction à l'intérieur de ma protéine, si elle se colle sur une autre, ben là, les plus puis les moins, donc les côtés négatifs, positifs, ça change un peu, parce que là, t'as des interactions avec une autre protéine extérieure, donc ça va changer sa forme. Donc, c'est ça qu'une autre protéine va être capable de voir, que la forme de l'autre a changé, donc elle aussi, elle va changer. Non, mais c'est ce que t'as dit tantôt, on va se mettre en mode alerte, mais comment ça sait que ça doit se mettre en mode alerte? C'est déjà que c'est tout fait pour ça. Donc, ça veut dire que quand la première protéine, elle change de forme, l'autre protéine qui vient détecter qu'elle a changé de forme, elle, sa seule job, sa seule existence, c'est de transmettre ce message-là. OK. Donc, ils font pas... Ils font pas d'autres choses. Donc, il y a énormément, des milliers de protéines différentes à l'intérieur d'une cellule, puis ils font juste une affaire. Okay. On creusera pas trop là-dedans, on peut creuser encore. On va aller au... Réticule endoplasmique, c'est ça? Réticulum endoplasmique, oui. Donc, dans le fond... Réticulum endoplasmique. Oui. Donc, dans le fond, à l'intérieur du noyau, c'est là qu'on a la recette pour faire une protéine. Fait que mettons qu'on va faire une protéine, parce que c'est ça qu'il faut faire quand on est une cellule. Peu importe la fonction de la cellule, elle va fabriquer des protéines pour être capable d'exécuter son rôle. Donc, peu importe, comme on en parlait d'un globule blanc, on veut faire une protéine de défense. Bon. Donc, dans le noyau, on a la recette. On a... donc, on va avoir... une protéine qui va venir traduire la... Sais-tu traduire? Il y a peut-être un autre nom. Une protéine qui va venir lire la recette. Puis elle va faire une copie postable. Juste une petite copie du gène avec la recette, vite, dedans. Puis là, elle va l'envoyer dans le réticulum endoplasmique, donc à l'extérieur du noyau. Puis là-dedans, il va avoir des protéines qui vont lire cette recette. Donc les protéines qui fabriquent les protéines, ils lisent pas l'original. Ils lisent une copie poche sur laquelle il peut arriver n'importe quoi. C'est pas grave. Donc l'original, l'ADN original, ça reste dans le noyau, super protégé, deux couches de membrane, des pores qui laissent presque rien passer. C'est vraiment un bunker, genre le noyau, pour que rien arrive à notre bel ADN qu'on veut garder intact. Donc ça crée une copie poche qui s'en va dans le réticulum endoplasmique. Puis dans le réticulum, c'est là qu'il va y avoir des protéines qui vont venir lire la copie. Donc ça, c'est des complexes de protéines. Ça s'appelle des ribosomes. Puis c'est vraiment, vraiment complexe. Donc ce complexe-là de protéines, il va lire... Il y a comme un côté qui va lire la recette, puis l'autre côté qui va aller chercher les acides aminés qui correspondent à chaque groupe de trois lettres. Donc ATG, mettons. Donc à chaque... Ça, la copie va se déplacer par groupe de 3, et à chaque groupe de 3, il va y avoir une autre protéine qui va venir apporter le bon acide aminé, tout le temps. Donc, ouais, c'est pas tout à fait une protéine. En tout cas, on va garder ça. On va garder ça simple. Mais c'est super complexe, comme. Mais c'est vraiment parce que ça traduit littéralement la recette en protéines, puis ça assemble, genre, bout par bout, brique par brique, une construction qui elle-même va devenir une protéine, finalement. Donc, le réticulum endoplasmique, à l'intérieur, c'est justement fait pour permettre aux protéines de se former sans qu'il y ait toute l'action qui se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur de la cellule quand même, mais à l'extérieur du réticulum endoplasmique. C'est une cloison. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme un incubateur à protéines. C'est l'usine. Oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment l'usine. Donc, le réticulum endoplasmique, ça sert à ça. Ça sert à fabriquer une cloison pour qu'on puisse fabriquer des cellules à l'intérieur. Des protéines à l'intérieur. Je commence à me mêler. Parce que les protéines, comme je disais tantôt, là, c'est un collier de perles. Il faut qu'ils se replient de façon vraiment, vraiment précise. Mm-hmm. Donc, si jamais... C'est à chaque fois qu'ils se replient, ils se replient toujours de la même manière quand ils ont cette fonction-là spécifique. Oui. Mais c'est ça, si jamais il y avait plein d'autres protéines qui flottent partout autour, mais ils pourraient bumper dedans, puis faire changer, puis faire une interaction chimique, donc ça pourrait se replier tout croche. Donc dans le réticulum, ils peuvent être tranquilles, se replier comme il faut, puis quand ils sont prêtes, qu'ils sont bien repliés, puisqu'il y a des systèmes pour s'assurer que ça a été bien replié, là ils peuvent sortir, puis aller travailler. Okay. C'est vraiment comme des travailleurs, parce que c'est vraiment des choses qui fabriquent, comme qui ont une fonction. Les systèmes, c'est-tu d'autres protéines, ça? Oui, oui, okay. Oui. C'est toutes des protéines. C'est toutes des protéines. Okay. Il va y avoir une protéine chaperonne à l'intérieur du réticulum endoplasmique qui va s'assurer que ça s'est bien replié. Puis si elle voit comme un collier avec un petit bout qui dépasse, qui flotte tout croche, ben la protéine chaperonne, elle va le prendre. Puis là, elle va le taguer. Elle va mettre un truc dessus. Puis c'est comme une petite molécule. Puis là, il y a une protéine qui existe pour spotter les protéines avec cette petite molécule-là, puis ça veut dire que t'es détruit. Fait que là, il y a un autre gros système qui sert juste à te détruire. Les vieilles protéines. Donc, éventuellement, toutes ces molécules-là qui sont complexes sont sujettes à dégradation avec le temps. Donc là, on a tout un système qui sert à les recycler. Mm-hmm. On défait toutes les briques en acide aminé. Puis après, on en fait des nouvelles. Donc, ouais. C'est hyper complexe, une cellule. C'est quoi l'autre que j'avais mis? Ah ben, c'est ça. Le prochain que j'ai mis, c'est le lysosome. Le lysosome, c'est le système digestif de la cellule. Donc là, je disais que le pH est différent. Ça, c'est une toute petite organite qu'à l'intérieur, le pH est acide, puis on n'a que des protéines de dégradation. Donc le lysosome va servir, par exemple, quand on a beaucoup de protéines qu'on veut détruire, on va les pitcher au lysosome. C'est-tu comme la partie recyclage, ça? Ou... Oui, ouais, okay. C'est vraiment ça. C'est la digestion recyclage. Et aussi, pour les organismes unicellulaires, par exemple, qui vont manger à l'extérieur de la cellule, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ils vont englober une partie du matériel à l'extérieur de la cellule, puis ils vont tout mettre ça dans une petite poche à l'intérieur. Puis les lysosomes vont venir fusionner avec la petite poche. Parce que dans les lysosomes, c'est comme s'il y avait des acides gastriques, un peu. Alors, c'est comme si c'est comme s'il y avait des sucs digestifs. Donc ça va devenir, ça va venir tout digérer. Puis quand tout est digéré en matériaux de base, après ça, on peut aller les chercher puis les utiliser pour le fonctionnement de la cellule. Donc c'est vraiment, les lysosomes, c'est le système digestif de la cellule. Donc ça sert à manger... La nourriture extérieure, mais ça sert aussi à recycler les vieilles affaires. Donc, une des choses qui est recyclée par le lysosome, c'est les mitochondries. Les mitochondries, c'est les centrales électriques de la cellule. Donc, c'est là-dedans que le métabolisme de l'énergie a lieu. Donc, la transformation du sucre en énergie. C'est ça qui produit du CO2 aussi. Donc on a besoin de sucre, on a besoin d'oxygène, ça produit du gaz carbonique et de l'énergie. Très grossièrement. Ça, c'est super complexe, je me rentrerai pas tant On là-dedans. pourrait, on pourrait en faire comme un. On pourrait Ah faire ouais. un bon 40 minutes sur les mitochondries. Oui, les mitochondries, c'est vraiment elles-mêmes, c'est très complexe. Mais vu que ce sont. Oui? On parlera de ça la prochaine fois, les Oui. mitochondries. Ça m'intéresse à cause de Parasite Eve, là, puis les extraterrestres, Ouais, je veux pas le lien avec les puis extraterrestres, mais on peut revenir là-dessus. Mais pour faire le lien avec les lysosomes, donc dans la mitochondrie, il se passe beaucoup de réactions oxydantes avec justement l'oxygène. Donc tous les radicaux oxydants, toutes les espèces réactives de l'oxygène qui sont produites, que je parlais d'ailleurs pendant mon projet de maîtrise, là, qui sont produites comme déchets un peu du Les métabolisme du fameux sucre. radicaux libres. Oui, c'est ça, les fameux radicaux libres. Ben, ça fait que ça amalgame la mitochondrie, donc éventuellement, ben, il faut les recycler. Donc les lysosomes, ils bouffent les mitochondries, ils recyclent en matériaux de base. OK. Mais juste pour revenir, le lysosome, c'est une partie. Une partie Une de. partie de la cellule. Oui, c'est un autre organe. C'est un autre organe. Mais cet Ouais. organe-là, il se promène dans la cellule? Non, mais il est là, puis il flotte. OK, c'est ça. Ben, c'est ça que je veux Comme dire. tout le C'est pas comme. reste. Non, il se promène pas vraiment. OK. Mais je dirais que c'est plus. Encore là, c'est ça. Comme je disais tantôt, la mauvaise protéine qui s'est mal repliée, elle va être taguée avec de l'ubiquitine, qui est une petite molécule. C'est comme s'il y avait un petit drapeau qui va être dessus. Mais c'est pareil pour les mitochondries qui sont rendues trop maganées, trop oxydées, qui fonctionnent plus bien, donc qui produisent plus de déchets qu'ils produisent d'énergie, par exemple. Ils vont mettre des petits drapeaux dessus. Puis quand le lysosome il passe par là, donc quand il bump dessus, littéralement, dans le grand jus de la cellule. Ben là, à chaque fois qu'il accroche quelque chose qui va avoir ce drapeau-là dessus, ben, ploup, on va le manger. Il va l'intégrer. Parce qu'il y a. Va le digérer. Parce que sur sa Il y a membrane, des récepteurs. puis là, il Ouais. voit comme ce petit drapeau-là. Ouais. Puis. Oh! C'est le temps Ouais. de partir au travail. C'est un peu vulgarisé, là, mais ouais. Ouais. Mais c'est, ouais, c'est un peu ça. Ouais, il va y avoir des récepteurs dessus qui vont faire « Ah, ça, c'est à détruire. » Bon, ben, on engage toute une cascade qui va permettre de justement absorber la chose qui est à détruire. Puis les lysosomes. Oui. Il y en a plusieurs dans une cellule. Oui. Okay. Il n'y a pas juste comme un lysosome qui est Non, il là. n'y a pas un gros lysosome. Ah, c'est drôle que tu parles de ça, par exemple, parce que les plantes n'ont pas vraiment de lysosome. Les plantes ont des vacuoles, donc ils ont une grosse, énorme poche qui est remplie d'eau. Parce que ben, les plantes, tu as sûrement déjà remarqué, si tu oublies de nourrir ta plante, elle est toute flasque. Ouais. Si tu oublies de lui donner de l'eau, elle est toute flasque. Puis tu redonnes de l'eau, puis tout d'un coup, whoop, elle redevient droite. Donc tout ça, c'est dû à l'eau qui est à l'intérieur des cellules. Donc c'est un peu comme quand on gonfle. Qu'est-ce qu'on pourrait gonfler? Mais quoi que ce soit qu'on peut gonfler. Un ballon. Ouais. Mais je pensais à quoi d'un peu plus complexe, là. Mettons Un un pneu. gros canard. Un canard. Un gros canard gonflable pour aller dans la piscine. Ouais. OK, ouais. Avec un long cou. Un cygne Un gonflable signe. pour aller dans la piscine. Ça existe! Mais s'il est dégonflé, le cou, ploup, il va être à terre. Mais si tu le remplis, dans le fond, le fait que sa membrane soit rigide et pas élastique, la membrane est rigide, fait que quand il est rempli, il se tient, puis le cou va se tenir droit. Donc la plante, c'est un peu ça. Donc les cellules des plantes vont être dans une matrice qui est rigide, sauf que si l'intérieur est vide, ben, ça va, c'est quand même élastique, fait que ça va planter, ça va devenir flasque, mais aussitôt que tu remplis cette matrice-là d'eau, ben là, elle va se tenir droite. Donc, dans chaque cellule de plante, il y a une immense vacuole qui où est-ce que l'eau, mais c'est aussi sa façon de digérer. Si jamais il y a des organismes qui sont trop vieux, qui ont besoin de digérer, ils vont juste tout mettre ça dans la vacuole, puis dedans, il y a des choses qui digèrent. Donc, comme si elle avait un gros lysosome. Ouais, fait que c'est intéressant que tu dis ça comme ça. Ouais, mais lorsque je me pose la question dans ma tête, je voyais comme une bulle dans la Non, c'est cellule qui plein est de petites là. bulles. C'est plein de petites bulles. Ouais. Puis est-ce qu'il y en a beaucoup dans Ça dépend une. peut-être du type de la cellule, je dirais. Ouais, j'imagine. Ça dépendrait la cellule à quelle vitesse elle a. Mettons une cellule qui produit énormément d'énergie. Probablement qu'elle a besoin de recycler ses mitochondries plus vite. Donc, elle aurait plus de lysosomes pour être capable de faire un roulement plus rapide de ses mitochondries. Une cellule qui est très, très stable, qui fait comme toujours la même chose, qui est tranquille. Qui demande pas beaucoup d'énergie, mettons une cellule lipidique, on en parlait tantôt, une cellule graisseuse, elle aura pas beaucoup de lysosomes parce elle a une grosse vacuole aussi, justement, dans laquelle elle engrange du gras. Tout ce qu'elle fait, c'est recevoir du gras puis l'engranger là. Puis quand elle est pleine, ben, elle attend. Fait qu'il y a pas beaucoup de lysosomes parce qu'il y a pas beaucoup de roulement. OK. On approche de la fin des, oui? des organites. La membrane. Ah, oh, la parlais? Membrane. Ouais, oui. Tu me parlais des membranes, des membranes plus rigides pour les plantes. Oui. J'imagine que les cellules, mettons, je ne vais pas dire organiques. Ouais, animal. Animal. Ouais, ouais, non, parce que les champignons aussi. Les champignons, c'est comme un cas spécial. Les cellules des animaux puis des champignons, ouais. Vont avoir. Ben, les cellules des plantes n'ont pas de membrane spéciale. C'est comme la matrice à l'extérieur, genre. Juste... OK. Ouais. Mais les membranes des cellules eucaryotes sont poreuses. Sont pas vraiment poreuses, en fait. C'est qu'ils sont très, très, très minces, puis il y a des choses qui passent, puis il y a des choses qui passent pas. Donc, ça, c'est vraiment... Ça... On pourrait pas dire qu'il y a comme des pores, parce qu'à l'intérieur de la cellule, il y a tellement de réactions enzymatiques qui se passent, il y a tellement de protéines qui font plein de fonctions qu'on veut pas qu'ils puissent sortir. Mais on veut pas qu'il y ait tout qui rentre non plus. Donc, il va y avoir... Oui, il y a des petites choses qui passent, là, mais généralement, il va y avoir des portes d'entrée plutôt pour laisser passer des choses très précises. Okay. Donc, on va appeler ça des canaux. Donc, c'est des protéines qui vont être assez grandes pour, comme mon récepteur de tantôt, être à la fois à l'extérieur puis à l'intérieur. Donc, ils passent littéralement à travers de la membrane. Puis dedans, il va y avoir un canal. Puis il y en a, par exemple, qui servent juste à laisser passer de l'eau. Fait que le canal est vraiment, vraiment petit. Donc, tout ce que ce canal-là va servir, c'est à laisser passer de l'eau. Il y en a qui laissent passer des ions. On a toujours besoin d'ions pour faire des réactions chimiques à l'intérieur de la cellule. Qu'est-ce qu'on peut laisser passer? Souvent, les signaux, ils vont pas passer à travers la cellule. Par exemple, quand on a un neurotransmetteur ou une hormone, le signal va être... Par exemple, ça va s'attacher à un récepteur à l'extérieur de la cellule qui, lui, va transmettre un message à l'intérieur de la cellule, mais la molécule, elle va pas nécessairement rentrer. Mais, le sucre, le sucre, les acides aminés, etc., tout ça, il faut que ça passe par des canaux. Donc, la membrane elle-même, c'est une petite couche de gras. Donc, ce sont des acides... Les acides gras, c'est ça. C'est ça le nom. Donc, ils forment une mince, mince couche. C'est ça. Ce qui est spécial avec les membranes, c'est que les acides gras ne laissent pas passer l'eau. Donc, ça permet vraiment de faire une cloison, puis qu'il n'y a pas de... Tout ce qui est petit, tout ce qui est ions, eau, sel, ça ne passe pas à travers la membrane. Donc, c'est vraiment ça qui permet de créer des cloisons, puis de créer la vie, parce qu'on peut faire des réactions à l'intérieur d'une cloison, donc spécialisée, puis bâtir des choses sans que ce soit affecté par l'environnement extérieur. Donc, c'est vraiment la capacité du gras à repousser l'eau qui fait que toutes les membranes sont faites d'une fine couche d'acide gras, en fait. Les plantes aussi? Oui. Ah, ouais. Oui, ça parle de l'air gras, mais c'est fin. Oh, ouais. C'est deux molécules d'épais. Ah, ouais? Oui. Okay. Ben, tu sais, une molécule, c'est facile à dire, là. Il y a des molécules immenses, là. Mais. Ouais, mais des molécules, c'est comme un amalgame d'atomes. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment des acides gras. Qui sont mis bout à bout comme ça, donc ils ont chacun... Donc un acide gras, ça repousse l'eau, fait qu'il y a comme une petite portion de l'acide gras qui accepte de vivre avec l'eau. Donc cette portion-là est à l'extérieur. Donc t'as deux acides gras nez à nez. Puis c'est dur de dire ça! C'est très dur! Donc la couche interne puis la couche externe peuvent accepter de vivre avec l'eau, mais à l'intérieur de la membrane, ce sont que des acides gras qui refusent l'eau, donc ils sont entre eux, puis... font vraiment en sorte que l'eau, elle pourrait pas forcer de passer à travers. Ça fonctionnerait pas. Okay. Donc, par contre, il y a certaines choses qui sont solubles dans l'eau, solubles dans le gras, qui peuvent passer, comme le cholestérol, puis toutes les hormones qui sont issues du cholestérol, donc toute la testostérone, l'estrogène, cortisol, etc. Mm-hmm. Tout ça, ça passe à travers. Donc, okay. C'est des hormones super spéciales, puis juste la signalisation, c'est super intéressant, parce que ceux-là, ils passent à travers la membrane à l'extérieur de la cellule, mais ils passent aussi à travers toutes les membranes à l'intérieur, parce qu'ils sont faits de la même façon, toutes les membranes qui délimitent les autres organes. Donc, des molécules comme l'estrogène vont passer directement à travers la membrane, directement à travers le noyau, puis elles vont aller direct à l'ADN dire « moi, je veux que t'exprimes ce gène-là ». Donc, ça contrepasse toute la signalisation qu'on a expliqué tantôt, que là, t'as une molécule qui arrive à la surface de la cellule, puis là, t'as un récepteur qui dit à une autre protéine, il se passe ci, va dire à l'autre qu'il se passe ça, va dire à l'autre que... toute la cascade de signalisation, ça n'existe pas, ça passe direct. Donc, les hormones, c'est puissant dans le monde des cellules. Mais c'est efficace. Efficace. Ouais. Plus ça. C'est efficace. Ça va directement exprimer un gène. Donc, C'est rapide comme effet aussi. Puis comment ça s'exprime quand ça... Ben, il va y avoir une protéine qui va le reconnaître en disant noyau. OK. Comme bon. Oui, c'est ça. Est-ce que la... On passe, on ne sauve pas des protéines quand on travaille dans le vivant, là. On peut pas outrepasser des protéines. Il va toujours avoir une protéine qui va reconnaître qu'il se passe quelque chose puis qui va aller activer. C'est pas l'ADN qui va monter au podium et dire bon, aujourd'hui. Oui, non. On pense que l'ADN se promène tout nu dans le noyau, mais pas vraiment. Il y a plein de protéines qui sont tout le tour pour le protéger puis pour détecter les zones qui pourraient être activées face à un signal. Il va toujours avoir une protéine qui va être pas loin au cas où un signal arrive. Donc, il y a plein de protéines. Puis l'ADN, c'est hyper long. Je sais pas si t'as déjà vu comme la quantité d'informations qu'il y a dans un génome humain, là, mais c'est comme des gigs de data. Là. Ouais, j'ai sûrement vu cellule. Un vidéo sur YouTube. C'est complètement fou, ouais. La quantité d'informations qu'il y a dans un brin d'ADN. Donc, c'est des molécules extrêmement longues, donc elles sont enroulées autour de des protéines pour prendre moins de place. Donc, il y a vraiment des protéines qui sont partout dans cette histoire-là. Donc, bref, l'histoire de la cellule, c'est les protéines à retenir. Est-ce que tu veux nous parler juste du chloroplaste avant? Ah oui, ben j'en ai parlé un peu. Le chloroplaste, c'est vraiment l'organite qui fait l'énergie, mais chez la plante va quand même avoir des mitochondries. Okay. Pour faire de l'énergie en absence de soleil. Mais en présence de soleil, c'est le chloroplaste qui va reprendre le relais, qui va venir fabriquer l'énergie avec le soleil. Donc c'est une cascade de réactions qui est complètement différente. C'est vraiment de la lumière qui va venir créer un changement chimique au niveau de la chlorophylle, qui ensuite va être repris par une cascade de protéines. Et là, ça va créer de l'énergie pour faire des choses à l'intérieur. Fait que quand on parle de lumière, c'est comme il y a un photon. Oui, c'est littéralement un photon, ouais. Qui arrive, qui excite. Qui va bumper un H, qui va bumper un hydrogène. Ouais, c'est ça, qui excite. Ça excite la molécule. Ouais. Ou, je sais pas si c'est une différence en termes de molécules ou trucs quantiques quand on parle d'excitation. Ben dans ce cas-ci, je pense que c'est vraiment. Il y a un atome qui va se pousser, je pense que c'est vraiment. Ça va bumper un H, je m'en rappelle pas. Fait que ça... Fait que le photon arrive. C'est un peu quantique là, parce que c'est un photon. Là, mais il va venir changer l'état ionique d'une molécule qui ça va engendrer une cascade qui elle va mener à la création d'énergie qui peut s'être utilisée. On n'est même pas rentré là-dedans. Là, l'énergie dans la cellule, il y a comme une forme de... Il y a quelque chose qu'on a besoin. Donc, je disais, toutes les enzymes, ils font une réaction chimique. Toutes les protéines servent à faire une réaction chimique bien précise. Souvent, ça va prendre de l'énergie parce que ça va pas se faire naturellement. Donc là, on pourrait en parler encore pendant une demi-heure. Ouais, donc on va garder ça pour donc les mitochondries. Il y a comme une monnaie d'échange à l'intérieur qui va servir à fabriquer d'autres réactions chimiques qui sont plus qui se feraient pas naturellement dans la nature. Mettons. Ok. Si t'attends bien longtemps, tu mets toutes tes protéines ensemble, puis t'attends bien longtemps qu'il se passe. Si t'as pas mis d'énergie, ça se peut que ça se fasse jamais. Ok. Donc ça se peut que ça se fasse pareil, mais ça, encore là, on rentre dans la physique quantique. Là, ça se peut qu'un électron décide qu'il va complètement changer de place pour aucune raison, puis il y a une chance sur un million. Là, donc, tout est possible, mais on ne sait pas quand ça va se passer, c'est aléatoire. Donc, pour être sûr d'être capable de faire une réaction chimique, ben là, on a comme de l'énergie qui va être une monnaie d'échange. Donc, c'est ça qu'on fabrique dans la mitochondrie puis dans le chloroplaste, mais pas avec les mêmes. Pas avec le même combustible, dans le fond. La mitochondrie va utiliser du sucre. Puis le chloroplaste va utiliser la lumière du soleil. Voilà. En tout cas, mon cerveau, il est raqué. Là. Oups. Beaucoup d'informations, c'est super fascinant, puis on fait juste effleurer la surface. Mm-hmm. On parlerait pendant un mois et une autre heure, mais... Ouais. on pourrait, on s'apprendra. Ouais. T'as une vie, genre, je vais te laisser partir, t'alimenter, te reposer, etc. Anne-Marie? Gabriel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.